Je suis né un 28 mars 1971 d'un père et d'une mère afro-caribéen qui m'ont donné la naissance en France à 7h du matin. Et puis j'ai vécu à Voltaire jusqu'à l'âge de 5 ans. Étant adolescent, j'apprenais le goût de la vie. Et puis l'éducation de mes frères, j'ai suivi. Pour pas être subitement surpris par les obstacles qui mènent à l'ennui. Puis à 12 ans, beaucoup de choses ont changé autour de moi. Mes frères sont partis vivre sous un autre toit. Je me sentais seul, abandonné. Est-ce que j'avais l'âge de me prendre en main pour tout coordonner? Mes forces se sont envolées. J'ai poussé avec la rage. Beaucoup auraient plié bagages à ma place. Bref, à 18 ans vient la majorité. La vie active, les connaissances du quartier, on s'y habitue. Puis j'ai dépassé la vingtaine. Plus pareil, mon expérience avec l'amour m'a appris trop de choses. Un jour mon cœur est comblé, close pour celle du passé. Après tout ce qui s'est passé, tu m'as traité d'égoïste. T'avais peut-être raison parce que c'est mon deuxième album en soloiste. Artiste célibataire, mon cœur s'envole mais mon esprit reste à jamais grabataire. Mais revenons sur le présent, des trucs qui se passent à présent. Des amis qu'on a perdus subitement ou par accident. On vous oublie pas, Mohamed Camara ou Las Montana. Et ceux qui sont en prison, tenez bon les gars. Et Khaled, dès que tu sors, c'est direct Bélep au Gosport. Aujourd'hui j'ai 28 ans et les deux pieds dans la musique. Je trouve ça marrant mais sérieusement je m'y implique. Et j'explique à ceux qui ont grandi avec ou autour de moi. J'ai écrit ce manuscrit en deux mois. J'avoue parfois hors de moi. Je remercie Dieu et ma famille d'avoir cru en moi. Ceci est le récit d'un jeune de Tessie qui vous raconte l'amour, les potes, la famille. Toute une vie de fou qui ressemble à un asile. Et en parlant des îles, j'empoisonne pour mes cousins, cousines de la commune dans ce Bertrand. Et quoi de neuf au bled, là-bas la ville arrête. À ceux qui ont percé dans le sport, c'est Dina et mon pote Rico. Si cette année mon 10 marche, je t'emmène à Porto Rico. Eh mon Kobe, t'es marrant mais tes vannes commencent à être périmées. Ouais je dis DJ Mehdi, c'est pour quand le concert au Queens. Et Corona on te voit plus, t'as repris la muscu ou quoi? Et Rocco fait pas la tête pour 10 sacs. Dry t'en as plus rien à foutre du foot. Eh mon pote Rof, t'as plus besoin de me présenter de la meuf parce que mon cœur est comblé. J'oublie pas mal de monde mais je pense aussi à AP, Rimka, Mad Max, Demon One, Jesse Monet, Carlito, Escro, OGB, Poupa, Titi l'ancien, Patrice Timal, Salim du 9-4. Et Radil, tout ça c'est la famille. Peu importe le succès, tu crois que j'allais oublier Kerry James? Sur ce, je vous dis à plus. Et j'ai écrit mon manuscrit. Et chaque plage représente une histoire de ma vie, gros. Mais si un jour on est paumé, on fera tout pour prendre des lovés. Quitte à les prendre en lové. Faut pas déconner, Bélec aux banquettes. Imagine subitement qu'un jour tout s'arrête. Époustouflant, non. Moi-même, je me demande comment j'ai pu écrire toutes ces lignes. Si je devais recommencer, je crois pas que ça serait pareil. Car chaque jour qui passe, c'est pas la même. Pour l'instant, je rappe jusqu'à temps qu'on me propose autre chose. C'est pour ceux qui sont partis pour tout. Nos frères en sont pris. Et le console de la vie en vaut-elle le prix? C'est pour ceux qui sont partis pour tout. Nos frères en sont pris. Et le console de la vie en vaut-elle le prix? C'est pour ceux qui sont partis pour tout. Nos frères en sont pris. Et le console de la vie en vaut-elle le prix? C'est pour ceux qui sont partis pour tout. Nos frères en sont pris. Temps réel, temps réel, temps réel, temps réel, temps réel.